Les chasseurs de nazis. Chapitre 6. La méthode Klarsfeld. Quatrième épisode. Barbie condamnée en 1987, les Klarsfeld n'ont pas fini avec les criminels nazis. 10 ans plus tard, leur activisme porte encore ses fruits, comme en témoigne ce reportage de FR3 du 8 octobre 1997. C'est donc l'aboutissement de 16 ans d'enquête et de révélation. Depuis cet après-midi, Maurice Papon est devant ses juges à Bordeaux. Ses avocats ont aussitôt demandé sa libération. Philippe Denis, Pierre Dick. Maurice Papon arrive au palais de justice à bord d'une voiture de tourisme. Cette image sera la seule autorisée par l'accusé. Il va refuser d'être photographié dans son box entre deux policiers. Poursuivi pour crime contre l'humanité, il veut à tout prix éviter d'avoir l'apparence d'un coupable. Avec la même volonté, l'un de ses avocats a d'emblée demandé sa mise en liberté au magistrat de la cour. Maurice Papon a passé sa première nuit dans une cellule de 10 mètres carrés. Selon Maître Varro, lui imposer cette situation pendant 11 semaines serait dangereux pour sa santé. Il a été réveillé 3 fois par la lumière. Il a dormi 3 heures à cause des bruits. Il a été réveillé le matin alors qu'il doit avoir une sieste longue et un repos en raison de son état cardiaque. On lui a refusé du thé alors que le café lui est interdit. Il est incontestable que si ce régime continue quelques jours, la question sera résolue. On veut qu'il se taise, en réalité il mourra. Mais selon le procureur général Desclos, la loi exige qu'un accusé soit détenu jusqu'au verdict. Pas question de faire une exception pour Maurice Papon. Ce magistrat a reçu le soutien des parties civiles. Il semblerait qu'il a une toute petite cellule et tout ça, dont les notes étaient entassées dans les wagons. Est-ce que les gens se l'imaginent ? Là, il est à la place où il aurait dû être il y a 50 ans. On savait qu'en France, il fallait... Serge Klarsfeld. Bousculer la mémoire du rôle de Vichy en ce qui concernait les Juifs et rétablir la vérité, c'est-à-dire que Vichy avait été un complice, alors que jusque-là, la société politique française avait bâti une théorie... que c'était très bien que les Juifs aient été arrêtés par la police française parce qu'ils les ont arrêtés dans, la police les a arrêtés dans des conditions bien plus humaines que les Allemands ne l'auraient fait. Et jamais, jusqu'à cette période, on a considéré que les responsables de la Gestapo avaient absolument besoin de la police française pour arrêter les Juifs, étant donné qu'ils n'avaient pas les forces disponibles pour arrêter les Juifs eux-mêmes. Donc le sale travail des Allemands a été fait par la police de Vichy. Voici ce qu'écrit Serge Klarsfeld dans ses mémoires, au chapitre intitulé « Touvier arrêté, Bousquet inculpé ». Le juge Getty, qui instruit parallèlement l'affaire Touvier, a été chargé par la chambre d'accusation de rendre un rapport répondant à une question de droit. Les pièces que j'ai fournies présentent-elles des éléments nouveaux qui n'ont pas été jugés au cours du procès de Bousquet en 1949 ? La réponse, donnée en juin 1991, est positive. Oui, ces faits sont nouveaux. Bousquet est inculpé. C'est maintenant à Albert Moati, président de la chambre d'accusation, de mener l'instruction. Nous lui avons apporté notre participation active. Bousquet a donc été entendu à plusieurs reprises. Le procès-verbal de la conférence du 2 juillet 1942 réunissant Bousquet et les chefs SS a été authentifié par Hagen, qu'il avait rédigé et que nous avions fait condamner à Cologne en 1980. Le réquisitoire contre Bousquet a été signé par l'avocat général Marc Domingo, qui avait déjà été l'auteur du remarquable réquisitoire contre Le Guet, qu'il avait eu l'audace de rendre public. Le réquisitoire contre Bousquet a été transmis à la chambre d'accusation, qui doit se prononcer rapidement. Si elle confirme le réquisitoire, Bousquet n'aura plus comme recours que la Cour de cassation. Le 8 juin 1993, alors que l'accusation est prête, Bousquet, le Fouché de Laval, est assassiné. Bonsoir, René Bousquet a été assassiné chez lui, ce matin à Paris, par un homme de 54 ans, Christian Didier, qui avait suivi plusieurs traitements psychiatriques. René Bousquet était l'ancien secrétaire général de la police de Vichy, tenu pour responsable de la rafle du Veldiv, de la déportation de juifs et de résistants, René Bousquet avait été inculpé récemment de crimes contre l'humanité à la suite d'une nouvelle démarche menée par notre invité ce soir, maître Serge Klarsfeld. Bonsoir. Le procès de cet homme, considéré comme un collaborateur précieux par Himmler, un procès que les résistants et les familles des victimes du génocide attendaient depuis fort longtemps, n'aura donc pas lieu. C'est la conséquence directe du geste de Christian Didier, qui, après avoir tué René Bousquet, a appelé toutes les rédactions de Paris pour une conférence de presse, ce qui a évidemment facilité la tâche des policiers. Ils l'ont aussitôt arrêté. Christophe Tortora, Pierre-Laurent Constant. C'est dans une chambre de cet hôtel des Lilas que les policiers sont venus arrêter Christian Didier. Il n'a opposé aucune résistance. Moins de 4 heures auparavant, à 8h45, cet homme au polo rouge s'est présenté ici, au domicile de René Bousquet. Lorsqu'il sonne à l'interphone, il prétexte avoir une convocation de justice à remettre à l'ancien secrétaire général de la police sous le régime de Vichy. Mais quand René Bousquet ouvre la porte de son appartement, il a une arme dissimulée sous un journal. Il tire immédiatement. René Bousquet est atteint par 4 balles de 9 mm. L'employé de maison tente de le poursuivre, mais Christian Didier réussit à prendre la fuite à pied en s'engouffrant dans cette bouche de métro. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous regardez aussi votre méthode et la façon dont vous avez pu traîner Papon et Barbie en procès et de nourrir le dossier Bousquet avant qu'il soit tué? Bon, il fallait bousculer beaucoup de... fallait faire un grand travail historique. Je m'y suis attelé, j'étais historien de formation. Et puis mener une action qui était une action de mettre en lumière le rôle joué par les personnages qui représentaient les organes du gouvernement de Vichy, c'est-à-dire Bousquet, qui était au Conseil des ministres comme ministre de la police, il avait le titre de secrétaire général à la police, Le Guay, qui était son délégué en zone occupée et qui avait autorité sur tous les préfets de la zone occupée et qui avait en charge les relations avec la Gestapo, et qui représentait l'administration préfectorale au haut niveau. Papon, qui représentait l'administration préfectorale, qui a joué un rôle essentiel dans les arrestations de Juifs. Et puis Touvier, qui représentait la police politique du régime. Donc d'avoir, avec 4 grandes affaires qui représentaient vraiment les organes qui ont persécuté les Juifs, eh bien... De lancer des milliers de messages par les médias vers le peuple français, changer l'opinion publique et changer l'opinion de la classe politique également. La classe politique et en premier lieu l'opinion du président de la République d'alors, Jacques Chirac. Reportage France 2, 16 juillet 1995. Reconnaître les fautes du passé, ne rien occulter des heures sombres de notre histoire, c'est défendre une idée de l'homme, de sa liberté et de sa dignité. C'est en ces termes que pour la première fois, un président de la République reconnaissait aujourd'hui la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs sous Vichy. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Et s'il y eut, je cite, une France qui n'est jamais allée à Vichy, a résisté et s'est battue, en reconnaissant aujourd'hui la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, Jacques Chirac a tourné la page de plus de 50 années d'ambiguïté. Avec Jacques Chirac, on a obtenu beaucoup plus, c'est-à-dire le renversement de la vision du rôle de Vichy par rapport à De Gaulle et à Mitterrand et aux autres Pompidou et Giscard d'Estaing, c'est-à-dire que la France était impliquée dans les actes de Vichy comme la France était impliquée dans les actes de De Gaulle. C'était une période de guerre civile où la France était représentée par deux gouvernements différents, deux régimes différents. Il y avait le maréchal Pétain, et puis il y avait le général de Gaulle, et puis la résistance intérieure. Et à partir du moment où Chirac a parlé et a dit « ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable », eh bien, les réparations qui étaient dues, c'est-à-dire les pensions aux orphelins de la déportation, la création de la commission d'indemnisation des victimes des spoliations, la création de la fondation pour la mémoire avec un grand capital, etc. Tout cela a pu être obtenu. À demain pour la suite des chasseurs de nazis. Une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.